Le livre de Zacharie, chapitre 3, les versets 1 à 6. Tournez avec moi là. Chapitre 3, regardez ce qu'il dit. Les versets 1 à 7. He says that he showed me Joshua, the high priest, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, standing before the angel of the Lord, debout devant l'ange du Seigneur, and Satan standing at his right hand side to accuse him. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. Le Seigneur dit à Satan que le Seigneur te réprime, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. Is not this man a burning stick snatched from the fire? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? And he continues in verse 3, says, now Joshua was dressed in filthy clothes. Et il continue au verset 3, et Josué était couvert de vêtements sales. As he stood before the angel said to those who were standing before him, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, take off his filthy clothes. Then he said to Joshua, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, see, I have taken away your sin, and I'll put rich garment on you. Regarde, je t'enlève ton iniquité, et je te revêt d'habits de fête. Then I said, put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head, and clothed him while the angels stood by. Qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. The angel gave this charge to Joshua. L'ange fit à Josué cette déclaration. This is what the Lord Almighty says. If you will walk in my ways and keep my requirements. Ainsi parle le Seigneur. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, then you govern my house and take charge of my courts, and I will give you a place among these who are standing here. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Right now, juste maintenant, the church of Christ, l'église de Christ, is wearing the filthy clothes, a mis des vêtements sales. Joshua there that you see is symbolic of Israel. Josué ici, que vous voyez, est un symbole d'Israël. Again, let me repeat this that you may mature to the same level. Alors, laissez-moi répéter ça pour que vous puissiez arriver au même niveau. Joshua there that you see symbolizes the nation of Israel. Josué là, que vous voyez, symbolise la nation d'Israël. And that's why you see the Lord. Et c'est pourquoi vous voyez le Seigneur. He's talking about the turban. That's the symbol of priesthood. Il parle à propos du turban, le symbole de la prêtrise. God raised Israel as a nation of priests. Dieu a élevé Israël en une nation de prêtres. And he intended that when Israel would worship Jehovah, il avait l'intention que lorsqu'Israël adorerait Jéhovah, worship right, l'adorerait d'une manière juste, then the Lord would visit in his glory. Le Seigneur le visiterait dans sa gloire. Then the enemies of Israel, alors les ennemis d'Israël, would be the enemies of God, seront les ennemis de Dieu. Then whoever blesses Israel would be blessed by the Lord. Celui qui bénira Israël sera béni par le Seigneur. That's how the Lord intended Israel to be. C'est l'intention que le Seigneur avait pour Israël. But Israel fell away. Mais Israël s'est détourné. In another scripture, Deuteronomy calls him Jeshurun. Dans un autre texte, dans Deutéronome, il l'appelle Jeshurun. It says Jeshurun grew fat. Il dit, Deutéronome 32:15, Jeshurun est devenu gras. He became fat and sleek and he was kicking and he forgot the rock his God. Il est devenu gras, épais et replet et il a regimbé et il a méprisé le rocher de son salut. Israel, after entering the promised land, Israël, après être entré dans le pays promis, forgot the covenant with Jehovah, a oublié l'alliance avec Jéhovah. And then she found her priestly garment in filth. Et ensuite, elle a trouvé son vêtement sacerdotal sale. And when Israel, you see Joshua, appears before the Lord. Et quand Israël, vous voyez Josué, apparaît devant le Seigneur, Satan also appeared. Satan aussi apparaît. Satan also appeared. Satan est aussi apparu. Satan appeared. Satan est apparu to claim right pour réclamer des droits over the priesthood sur la prêtrise. To claim right over Israel pour réclamer des droits sur Israël. Why? Pourquoi? Let me tell you why. Laissez-moi vous dire pourquoi. Because if you look at the field very well, si vous regardez très bien à propos de la saleté, the field, la saleté, part of it is sexual sin, une part de cela, c'est le péché sexuel. It is the devil's mark. C'est la marque du diable. If you look at the lie, the falsehood, si vous regardez au mensonge, à la fausseté, the false prophets in the church, les fausses prophéties dans l'église, the false apostles in the church, les faux apôtres dans l'église, falsehood belongs to the devil. In fact, la fausseté appartient au diable. En fait, the devil is the father of all falsehood. Le diable est le père de toute fausseté. In fact, during the tribulation, that will be the dispensation, the day of deception. En fait, pendant la tribulation, ce sera la dispensation du jour de tromperie. Because he will lie that they may worship him the way they worship Jesus. Parce que il va mentir pour qu'ils l'adorent comme ils adorent Jésus. He will even raise. Il va même élever a figure in the temple. Une figure dans le temple. And he will raise the false prophet. Élever le faux prophète. With economic power, since you love money. Du pouvoir économique. Depuis que vous aimez l'argent. With economic power. Avec de pouvoir économique. I've not come to you why I prophesied the global economic crisis. Je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai prophétisé la crise économique mondiale. And why it's a preamble to what will happen. Et pourquoi c'est un préambule de ce qui va arriver dans la tribulation. Mais quand Israël apparaît, le vêtement sale, le diable apparaît et il dit, voilà, c'est mon homme. This is mine. Il est à moi. Claiming historic right. Il réclame des droits historiques. Claiming birth right. Proclamant un droit de naissance. Claiming legal right. Proclamant un droit légal. Claiming all rights. Réclamant tous les droits. Same thing with the church today. C'est la même chose avec l'église aujourd'hui. God raised the church. Dieu a élevé l'église. The Lord raised the church. Le Seigneur a élevé l'église. As a house. En tant qu'une maison. Of priests. De prêtres. You were called. Vous étiez appelé pour que vous puissiez croître. J'espère pouvoir lire la seconde conversation, ce que Daniel a dit à propos de ceux qui évangélisent la justice. Daniel 12. Daniel 12. Listen to this. Écoutez ceci. You were called. Vous avez été appelé. You live your life. Pour que la manière dont vous vivez vos vies, the way you Christians live your lives, la manière dont vous, les chrétiens, vivez votre vie, you are essentially worshiping God. Vous étiez en train essentiellement de adorer Dieu with your life. Avec vos vies. The way you live your life is the worship. La manière dont vous vivez, c'est l'adoration. That when others look at you, et que quand les autres regardent à vous, they love God. Ils when, aiment Dieu. When they look at you, quand ils regardent à vous, they say, you know what? I want that one's God. Qu'ils puissent dire, oh, je désire ce Dieu-là. But when immorality came to the church, mais quand l'immoralité vient dans l'église, the falsehood, le mensonge, bring your money to get blessed. Parlons d'argent pour être béni. They even said, those who bring so much, the pastor can now shake your hands. Ceux qui amènent tellement, eh bien, le pasteur peut maintenant vous serrer la main. A certain figure. Une certaine image. The rest, the pastor will not shake your hands. Alors, autrement, le pasteur vous serrera pas la main. They even say, ils disent même, you must sow a certain seed. Vous devez semer une certaine graine et payer pour cette graine pour avoir un miracle. And then I asked, et alors j'ai demandé, how about the widows and the orphans? Qu'en est-il des veuves et des orphelins? Who is their God? Où est leur Dieu? We have sinned. Nous avons péché. Do you understand the sin in the church? Vous comprenez le péché dans l'église? Everybody in the church. Tout le monde dans l'église. Let me tell you, laissez-moi vous dire. The tithe is in the Bible. La dîme, c'est dans la Bible. Your offerings are in the Bible. Votre offrande, c'est dans la Bible. But to turn it around as a mechanism of manipulating the church. Mais pour tourner là autour, pour manipuler l'église, that is sin. Ça, c'est du péché. Sin before God. Du péché devant Dieu. And this nation, et cette nation must repent because you have held back revival. Doit se repentir parce que vous avez fait reculer le réveil. You have held back revival. Vous avez fait reculer le réveil. And so the witch doctors are out there, they're playing cards. Et alors, les sorciers sont en dehors, ils jouent aux cartes. If you put here, you get here. Si vous le mettez là, vous l'avez. And the false prophets are the witch doctors in the church. Et les faux prophètes, ce sont des sorciers dans l'église. The women out there are in the mini skirts. Et les femmes là dehors, avec des mini-jupes, and they are looking for men. Et elles regardent pour des hommes. You come to the church, you find them also in mini-skirts. Vous venez à l'église et vous les trouvez là en mini-jupe, looking for cherchant des hommes. Then the devil has to appear. Et alors le diable apparaît. When you appear before the Lord, quand vous apparaissez devant le Seigneur, he will claim right over you. Il va réclamer des droits sur vous. Because you are the identity markers of the devil. Parce que vous avez les marques d'identité du diable. It's as if you are saying the first Calvary was not good enough. Est-ce que le premier calvaire n'est pas assez to deliver you fully? Pour vous délivrer complètement. The Muslims in the economic crisis, les musulmans dans la crise économique, they are looking for some way out. Ils cherchent une manière de s'en sortir. The Hindus are looking for solutions. Les hindous cherchent une solution. In the United States, aux États-Unis, in Canada, wherever, even Africa, South Africa, au Canada ou que ce soit en Afrique du Sud, people have lost homes. Des gens perdent leur maison. People have lost jobs. Des gens perdent leur travail. Banks have crashed. Les banques s'effondrent. Companies have crashed. Des compagnies s'effondrent. People are filing for bankruptcy. Les gens font faillite. Marriages are on the brink. Des mariages se brisent. Instead of showing them Christ, à la place de leur montrer Christ, they see you outrightly conning. Ils vous voient escroquer ouvertement. To the extent that even the non-Christians don't want. Au point où même les non-chrétiens ne le désirent pas. And I said, let me check TBN and see what's being preached here. J'ai dit, laissez-moi regarder TBN, une télévision chrétienne, pour voir ce qu'ils prêchent là, these days, ces jours. And I found there somebody selling, et ils trouvent là quelqu'un qui vend the Lord's Prayer as dog's tags. Ils mettent le Notre Père au collier de leur chien. You did not hear me. Vous ne m'avez pas entendu. I have never ceased to cry. Je n'arrête pas de pleurer. The only prayer that Jesus ever taught the church. La seule prière que Jésus n'a jamais enseignée à l'église, is it what only dogs? C'est seulement pour les chiens. Surely the church must repent. Sûrement, l'église doit se repentir. Did you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Only repentance will bring you to the kingdom of God. Seule la repentance va vous amener au royaume de Dieu. No other route, let me tell you. Il n'y a pas d'autre chemin, laissez-moi vous le dire. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, précieux peuple. Time is out. Le temps est passé. The church needs to repent. L'église a besoin de se repentir and turn away from sin. Et de se détourner du péché. You see that the church, vous voyez que l'église has now worn, a maintenant mis the markers of the devil, les marques du diable. And God is asking for a purification. Et Dieu vous demande d'être purifié. The book of 1 Thessalonians chapter 4. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. verses 16 and 17. Les versets 16 et 17. It talks about the wedding of the Lamb. Parle à propos des noces de l'agneau. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 and 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Is the wedding of the Lamb. Ce sont les noces de l'agneau. I have come to love you abundantly. Je suis venu vous aimer abondamment. That you may enter. Pour que vous puissiez entrer. Don't waste this mere 70 years. I don't know what the life expectancy here. Ne gaspillez pas ces maigres 70 ans. Je ne sais pas quelle est l'espérance de vie ici. But if it's 70, let's say 100. Mais si c'est 70, disons 100. After 1 trillion years are over, eternity has not yet begun. Après 1 trillion d'années et plus, l'éternité n'a pas encore commencé. Make sure you use this time to prepare. Soyez sûr d'utiliser ce temps pour vous préparer. Don't waste your time. Ne perdez pas votre temps. Precious people, in the book of Matthew chapter 22. Précieux peuple, dans l'évangile de Matthieu chapitre 22. God Almighty, Jesus was talking about the wedding of the Lamb. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus parlait à propos des noces de l'agneau. And emphasizing on the importance of that glorious wedding gown. Et mettait en évidence l'importance de cette glorieuse robe de mariée. That this church que cette église is where. A besoin de porter. And you see there that the Lord sends messengers to tell the church to prepare. Et vous voyez là que le Seigneur envoie un message à l'église pour qu'elle se prépare. And the church refuses to prepare. Et l'église refuse de se préparer. And then he uses the word do not deserve. Et ensuite il utilise le mot vous ne le méritez pas. He says the ones who are invited do not deserve. Alors ceux qui ont été invités ne le méritaient pas. And he says go to the streets now look for anybody. Alors il dit va dans la rue et cherche n'importe qui. And when he brings those people to the streets. Alors quand il a amené ces gens de la rue. The father comes around to check. Le père est venu là pour regarder. Who is invited? Qui est invité? And then he finds there. Et là, il trouve. Somebody that is not wearing wedding clothes. Quelqu'un qui n'a pas vêtu l'habit de noces. My Bible is in red, which means the words of Jesus itself. Dans ma Bible, c'est en rouge. Ça signifie que ce sont les paroles de Jésus lui-même. And the father asks. Listen to the question. Et le père a demandé. Écoutez la question. He says, my friend. Il a dit, mon ami. En espagnol, il dit, mi amigo. En espagnol, c'est mi amigo. My friend. Mon ami. He said, my friend, friend. Il dit, mon ami, ami. Who allowed you to come here without wedding clothes? Qui t'a permis de venir là sans l'habit de noces? How did you come here without wedding clothes? Comment est-ce que tu as pu venir là sans habit de noces? The father asks. Le père demande. Who can the father call friend? Qui est-ce que le père peut appeler ami? Who can the father call friend? Qui est-ce que le père appelle ami? Only the church. Seulement l'église. Only the church. Seulement l'église. Is the friend of God. Et ami de Dieu. The church. L'église. Is the instrument of God. Et l'instrument de Dieu. Genesis 1:26. Genèse 1, 26. And he created the church. Et il a créé l'église. In the image and likeness of God. À l'image et à la ressemblance de Dieu. He says, friend. Il dit, ami. How did you come here without wedding clothes? Comment as-tu pu venir ici sans vêtir un habit de noces? And thrown out. Et il le jette dehors. Was thrown out. Et il le jette dehors. Pastors call for a national pastors conference. Les pasteurs sont appelés pour une conférence nationale de pasteurs. And call all pastors to repentance. Et pour appeler tous les pasteurs à la repentance. Even you, the sheep. Et même vous, les brebis. You are the ones supposed to repent. Vous êtes ceux qui sont supposés vous repentir. Some of you come here to entice the pastors. Certains d'entre vous sont venus là pour attirer le pasteur. The whole nation. Toute la nation. Must repent. Doit se repentir. That is what I've come to proclaim. C'est ce que je suis venu proclamer. That in that repentance, que dans cette repentance, God will find a vessel. Dieu va trouver un récipient. God is no respecter of persons. Dieu n'a pas égard aux personnes. Repent and prepare for the coming of the Lord. La repentance prépare à la venue du Seigneur. I want to share one more conversation. Je désire partager encore une conversation. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Father visited with me again. Le Père m'a encore visité. And he spoke with me about the coming of Christ the Messiah. Et il a parlé avec moi à propos de la venue de Christ le Messie. And look at what he said this time. Et regardez ce qu'il a dit en ce temps. It was at about 5 a.m. in the morning. C'était à peu près à 5 heures du matin. When he lifted me up above the earth. Où il m'a élevé au-dessus de la terre. In that vision. Et dans cette vision. And when he lifted me up above the earth. Il m'a élevé au-dessus de la terre. I saw the earth. J'ai vu la terre. And then all of a sudden, et soudainement, something like an earthquake hit the earth. Quelque chose comme un tremblement de terre était là sur la terre. Because I saw a lot of dust, particles, a lot of pulver, a lot of soil, a lot of rocks. Parce que j'ai vu beaucoup de poussière, beaucoup de tremblements, des rocs qui sortaient. Jumping from the surface of the earth. Quelque chose à la surface de la terre. But very soon in that vision, I realized this is not an earthquake. Très rapidement, dans cette vision, j'ai su que ça n'était pas un tremblement de terre. Because I saw people, so it was people in their tombs. Parce que j'ai vu des gens qui sortaient de leurs tombes. The tombs were opening and they were coming out in their glorious bodies. Les tombes étaient ouvertes et ils sortaient dans leur corps glorieux. And today I can share with you. Et aujourd'hui, je peux partager avec vous that it is the glory of the Lord, que c'est la gloire du Seigneur that actually pulled them from the tombs. Que actuellement les sortait de la tombe. And they were wearing glorious bodies, and then the voice of the Lord said, et ils revêtaient des corps glorieux et la voix du Seigneur a dit, and the majority of them, et la majorité d'entre eux have remained in the dust of the earth, sont restés dans la poussière de la terre. Let me repeat. Laissez-moi répéter. I think that is the message. Ça, c'est le message. And the majority have remained in the dust of the earth. Et la majorité est restée dans la poussière de la terre. The Bible is where your message is. I know it's obvious. La Bible, c'est là où est votre message. Je sais que c'est évident. It is obvious. I know it's obvious about the rapture. C'est évident. Je sais que c'est évident à propos de l'enlèvement. And the First Thessalonians I gave you talks about. Et la première épître aux Thessaloniciens que je vous ai donnée parle à propos. How the dead will be the first. After that, you will be transformed, translated. Comment les morts vont être les premiers et après vous serez transformés, traduits. And catch up with them. Et enlevés avec eux. But listen to this. Mais écoutez ceci. Daniel le prophète. Is an end time prophet. C'est un prophète de la fin des temps. Daniel had seen. Daniel a vu. What was going to happen today, here, now. Ce qui va arriver aujourd'hui, ici, maintenant. In this day. Dans ces jours. In this dispensation. Dans cette dispensation. Daniel prophesied one. He talks of the great distress. Daniel 12, verset 1, parle à propos d'une grande détresse. That has never happened since the creation of nations. Until then, which is now. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, qui est maintenant. But he says, mais il dit, for those whose names, pour ceux dont les noms will be found written in the book, vont être trouvés, écrits dans le livre, ils seront délivrés. Now I know why he sent me to prophesy. Maintenant, je sais pourquoi. Ils m'ont envoyé pour prophétiser. The Iranian earthquake, 5 days it happened. Le tremblement de terre en Iran, 5 jours après, c'est arrivé. 25th of March 2006. Le 25 mars 2006. I said, watch out, Iran. J'ai dit, veillez, Iran. I see the western part. I see the earthquake coming to strike you. Je vois la partie de l'ouest. Un tremblement de terre va venir vous frapper. 5 days. 5 jours. On 31st, it was a Friday, I remember. Le 31, c'était un vendredi, je me souviens. It was headline news all over the global news networks. C'était dans les nouvelles du jour, dans toutes les stations du monde. Devastated Western Iran. L'ouest de l'Iran, dévasté. Now I know why I prophesied the Greek earthquake merely hours before it happened. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai prophétisé le tremblement de terre en Grèce quelques heures avant que ça arrive. 9 o'clock live on radio. À 9 heures, à la radio. Jesus is Lord Radio, the biggest global revival radio right now. La radio de Jésus est Seigneur, la plus grande radio mondiale de réveil, juste maintenant. Live. En direct. In the morning. Le matin. 10 p.m. breaking news. À 10 heures du soir, aux dernières nouvelles. An earthquake has hit Greece massively and extended into Europe. Un tremblement massif a frappé la Grèce qui s'est étendue sur l'Europe. Now I know why I prophesied the Italian earthquake. Maintenant, je sais pourquoi j'ai prophétisé le tremblement de terre en Italie. Now I know why on August 19th I prophesied the global economic crisis. Et maintenant, je sais pourquoi le 19 août, j'ai prophétisé la crise économique mondiale. Barely 2 months before it happened. Presque 2 mois avant que ça arrive. Now I know. Maintenant, je sais. Why today I am still talking of global famine. Pourquoi encore aujourd'hui je suis en train de parler de famine mondiale. These are the distresses. Ce sont les détresses. That Daniel talked about. C'est les détresses dont Daniel parle. So when you watch your news from today on, alors, si vous regardez vos nouvelles depuis aujourd'hui, don't watch like secular people, please. Ne les regardez pas comme les gens du monde. Use your spiritual eyes to look at the events. Utilisez vos yeux spirituels pour regarder les événements. Use the Bible to understand your news. Utilisez la Bible pour comprendre les nouvelles. Use the Bible to watch your news. Utilisez la Bible pour regarder les nouvelles. That you may not be caught in the way. Que vous ne soyez pas pris au dépourvu. The Lord lavish the church with these things, that you may know the landmarks of the prophetic timeline. Le Seigneur prodigue des choses à l'Église, avec ces choses, pour que vous puissiez savoir le calendrier prophétique. But Daniel chapter 12, verse 2, mais Daniel, chapitre 12, verset 2, he now talks about the wedding of the Lamb after the distress. Parle maintenant des noces de l'agneau, après la détresse. And he says, multitudes who sleep in the dust of the earth. Et il dit, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, he says they will awake. Ils se réveilleront. And he says some to everlasting joy. Certains pour une joie éternelle, everlasting life. Une vie éternelle, others to everlasting damnation, judgment. Et d'autres pour une condamnation éternelle, un jugement, condemnation. Une condamnation. We need to be mature. Let me just say this. Nous avons besoin d'être matures. Laissez-moi dire ceci. It's amazing. C'est étonnant that when the rapture is near, que lorsque l'enlèvement est proche, the Lord showed me the fraction resurrected for rapture. Le Seigneur m'a montré la fraction de ceux qui ressuscitent pour l'enlèvement. That tells you Daniel saw the two visions in one go. Ça vous dit que Daniel a vu les deux visions en une fois. Between the first resurrection for rapture, entre la première résurrection pour l'enlèvement and the other resurrection for judgment. Et l'autre résurrection pour le jugement. There is 1,007 years. Il y a 1,007 ans. Make sure we all mature. Only the mature bride, by the way, will enter. Soyez sûrs d'être tous matures. Seule l'épouse mature fera partie de l'enlèvement. That's why I have to say these things here. J'ai à dire ces choses ici. But anyhow, verse 3, Daniel says. Mais qu'importe, le verset 3 de Daniel dit. And those who arise, they will shine like the brightness of the heavens. Ceux qui seront ressuscités brilleront comme la splendeur du ciel. That they will shine like the brightness of the heavens. Ils brilleront comme la splendeur des cieux. Those who are wise, ceux qui sont sages. And yet, he says, but those who lead many to righteousness. Et là, il dit, ceux qui amèneront beaucoup à la justice. They will be even brighter. They will be like the stars, the prayers, comme les prayers. Ils vont même être plus rayonnants. Ils vont être comme des étoiles dans le ciel. Perpetuamente, perpetuamente, eternally. Éternellement. They will be like stars. Ils seront comme des étoiles. Forever. Pour toujours. What is the message to the Church of Christ? Quel est le message pour l'Église de Christ? There is nothing God speaks or just jokes. Il n'y a rien que Dieu dise qui soit juste des plaisanteries. Is God showing me movies? est-ce que Dieu me montrerait des films? I know that the Church of Christ has fallen so much that Christians actually go to secular movies. Je sais que l'Église de Christ est tellement tombée que les chrétiens actuellement vont à des films séculiers. How dare you? Comment osez-vous? How can you go to the movie theaters? Comment pouvez-vous aller à des cinémas de théâtre? The altars of the devil. Ils sont tous du diable. How can you go there and then an immoral man in Hollywood is showing you how he's lying to his wife with his secretary? Comment vous pouvez aller là où un homme immoral à Hollywood, ça vous montre comment il ment à sa femme avec une secrétaire. And then that is your role model you are following. That's what Christians do. Ensuite, c'est le modèle de comportement que vous suivez. Voilà comme ce que les chrétiens font. The so-called development. So we are more civilized. Alors, ils appellent ça le développement. Et nous sommes comme ça plus civilisés. In heaven, there is no civilized Christian. Au ciel, il n'y a pas de chrétien civilisé. In heaven, there is no modern Christian. Au ciel, il n'y a pas de chrétien moderne. In heaven, there will be a holy Christian. Au ciel, il y aura un chrétien saint. Righteous. Juste. Mature. Mature. Brilliant. Brillant. Holy. Saint. Parfait. Parfait. But Daniel says, Daniel dit, those who are wise, let's begin with the wise. Ceux qui sont sages, commençons avec sages. What is the message the Lord has sent me to bring to you, the church? Quel est le message que le Seigneur m'a envoyé vous dire à vous, l'Église? What is the Lord saying to this nation? Qu'est-ce que le Seigneur dit à cette nation? Those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Ceux qui sont sages vont briller comme la splendeur des cieux. That means the Lord has sent me here to ask you a question. Ça signifie que le Seigneur m'a envoyé ici pour vous demander une question. He said, rush there and ask them for this question. Il dit, arrive là et demande-leur pour moi cette question. Ask them. Demande-leur. Hey. Hey. Ever since you received the Lord. Depuis que vous avez reçu le Seigneur. Hey. Hey. Ever since I called you to be a pastor. Depuis que je vous ai appelé à être un pasteur. Have you lived in the fear of the Lord? Est-ce que vous avez vécu dans la crainte du Seigneur? Hallelujah. Alléluia. Have you lived in wisdom? Avez-vous vécu dans la sagesse? The Bible says the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. La Bible dit la crainte du Seigneur est le commencement de toute sagesse. So it means God is saying over the centuries he has watched the church in this country. Alors ce qui signifie que Dieu dit par-dessus les siècles il a veillé sur l'église de cette contrée. And there is no wisdom. Il n'y a pas de sagesse. By the way, it is true. That's why you can allow women with miniskirts to come and lift their legs here to show you their thighs. En passant, c'est vrai. C'est pour ça que vous pouvez permettre à des femmes de venir en mini-jupe et vous montrer leurs cuisses. He sent me to rebuke sin. Il m'a envoyé pour réprouver le péché. And I rebuke sin. Et je réprimande le péché. I hate sin. Je déteste le péché. Because I love Jesus. Parce que j'aime Jésus. And Jesus is holy. Et Jésus est saint. Separated from sin. Séparé du péché. I knew he was going to shake you, Sawasawa. Je savais qu'il allait vous secouer très bien. I knew it. Je le savais. If I came and you were kissing my feet and doing things there, then I would have to question. Si je venais et que vous soyez en train d'embrasser mes pieds et de faire des choses ici, alors j'aurais à questionner. Whether God has really sent me here. Pourquoi est-ce que Dieu m'a vraiment envoyé ici? How? Comment? How can the church live without the fear of the Lord? Comment est-ce que l'Église peut vivre sans la crainte du Seigneur? How can you come to the house of the Lord? Comment pouvez-vous venir à la maison du Seigneur when you are dressing every day going to church? Quand vous vous habillez chaque jour pour aller à l'église? Ask yourself by that mirror. Demandez-vous vous-même devant le miroir. Whom am I dressing for? Pour qui est-ce que je me suis habillé? Am I dressing for the Lord or for men? Est-ce que je me suis habillé pour le Seigneur ou pour les hommes? The moment of truth has arrived. Le moment de vérité est arrivé. And then the devil has killed people with HIV/AIDS. Et ensuite, le diable a tué des gens avec le sida. You cannot even talk about it. Vous ne pouvez même pas parler à propos de ceci. I do healing service and it's tremendous. Though it's beautiful to see them healed. J'ai fait un service de guérison, c'est formidable. Ils sont guéris, c'est beau. But is that the way to return to the Lord? Mais ce n'est pas la manière de retourner au Seigneur. Is that the way? Est-ce que c'est la manière? Those who are wise, ceux qui sont sages, they will shine like the heavens. Ils vont briller comme les cieux. Which means those who are in the fear of the Lord. Ce qui signifie ceux qui sont dans la crainte du Seigneur. But those who lead many to righteousness. Mais ceux qui ont conduit beaucoup à la justice. The Lord has sent me to ask you. Le Seigneur m'a envoyé pour vous demander. Hey! Hey! Ever since you were born again, depuis que vous êtes né de nouveau, have you really led people to the righteousness of Jesus? Est-ce que vous avez guidé des gens à la justice de Jésus? In fact, the answer is a definite no. En fait, la réponse est définitivement non. I know it because he showed me the churches. Je le sais parce qu'il m'a montré les églises. The answer is no because when the Muslims look at the way you are playing with money. La réponse est non parce que quand les musulmans voient comment vous jouez avec l'argent, money laundering in the church, le blanchiment d'argent dans l'église, they say, that God I don't want. Ils disent ce Dieu je ne le veux pas. In fact, you have led them away. En fait, vous les avez égarés. The pastors who are in sexual sin, les pasteurs dans les péchés sexuels. When the widows are in pain, quand les veuves dans la peine. When they are in trouble, quand elles sont dans le trouble. Lonely, solo, seules. Alone, esselées. Desperate, désespérées. In despair, dans le désespoir. In anguish, dans l'angoisse. In anxiety, dans l'anxiété. And they try to run to God. Elles essayent de venir à Dieu. Instead, you ask how much did the husband live. À la place, vous leur demandez combien leur mari a laissé. How much did he leave? Combien il a laissé. And how much did he leave? How much is in the account? Combien est sur le compte. And then you call a false prophet. Let me tell you the way they do it. Et ensuite, vous appelez les faux prophètes. Laissez-moi vous dire comment ils font. They call a false prophet and tell you there's a woman there, the name is Janet. Ils appellent les faux prophètes. Et ensuite, ils disent, il y a une femme là, son nom est Jeannette. She's a widow and her husband left 7 million this and so many acres of this. C'est une veuve et son mari a laissé 7 millions et tellement de terrain là. And the false prophet comes here and starts saying, et le faux prophète vient et commence à dire, there is a woman, Jeannette, commercial, the bank is commercial bank. You have 7 million, the Lord is saying, trust me with it first. Il commence à dire, il y a une femme ici, son nom, Jeannette, la banque s'appelle la banque commerciale. Vous avez 7 millions, le Seigneur dit, fie-toi à moi, premièrement, avec ça. That is how the church has lied. Et c'est comme ça que l'église a menti. And the poor woman, when she hears her name, she runs and lifts her sandals there. Et la pauvre femme, quand elle entend son nom, elle court et laisse ses sandales ici. The church, l'église, when the widows run here, quand les veuves courent ici, then you want sexual sin with them. Vous désirez des péchés sexuels avec elles. In this country, they have even slept with widows. Et dans cette contrée, ils ont même dormi avec des veuves. And married them. Et les ont épousées. Have you really led people to the righteousness of God? Avez-vous vraiment guidé des gens à la justice de Dieu? Has the church led people to the righteousness of God? Est-ce que l'église a guidé les gens à la justice de Dieu? When the Muslims look at your daughters, quand les musulmans regardent vos filles, the Muslims, les musulmans, the Hindus, by the way, the wood worshippers, wood and rock, stone wood, they come with their hands and they worship. les hindous, en passant, des adorateurs du bois. Ils couvrent leur tête et ils adorent. Then they start worshiping even trees. Et ils commencent à adorer, même les arbres. When they see the way your daughters are dressed, quand ils voient comment vos filles sont habillées, they say, that God I don't want. Ils disent, ce Dieu je ne le veux pas. Because I don't want my daughters dressed like prostitutes, they say. Parce que je ne désire pas que ma fille se vête, s'habille comme une prostituée. The church must repent. L'église doit se repentir. The church has shown a very defiled image of Jesus. L'église a montré une image très souillée de Jésus. Oh, you don't want even to turn on global Christian television. Oh, vous ne voulez pas regarder la télévision mondiale chrétienne. You will be horrified. And the Lord told me, send them all the messages that I've given you. Vous allez être horrifié. Le Seigneur m'a dit, envoyez-leur tout le message que je t'ai donné. And tell them to stop the game and prepare the church. Et dis-leur d'arrêter les jeux et de préparer l'église. For without holiness, nobody will enter the kingdom of God. Parce que sans la sainteté, personne va entrer dans le royaume de Dieu. I hope you're going to reform. J'espère que vous allez vous réformer. That you're going to burn your miniskirts. Que vous allez brûler vos mini-jupes. You cannot even give it to another woman. Vous ne pouvez même pas la donner à une autre femme. Get rid of your tight trousers that show your anatomy. Jetez vos pantalons étroits qui montrent votre anatomie. Nobody is interested. Personne n'est intéressé. Everybody is interested in seeing the kingdom of God. Tout le monde est intéressé à voir le royaume de Dieu. I can tell you the truth why people should be coming to church. Je peux vous dire la vérité pourquoi les gens devraient venir à l'église. But to come here and show your breasts. Mais venir là pour montrer votre poitrine. And the pastors cannot rebuke. Et les pasteurs ne réprimandent pas. That is sin. It will bring judgment to this nation. Ça c'est du péché. Et ça va amener du jugement à cette nation. I have even seen drugs. J'ai même vu de la drogue. Pastors involved in drugs. Des pasteurs impliqués dans la drogue. I fell asleep and he showed me. Je me suis endormi et il me l'a montré. What image of Christ have you carried? Quelle image de Christ portez-vous? Time has come to be purified. Le temps est venu d'être purifié. And to separate from sin. De se séparer du péché. God is holy. Dieu est saint. I don't know which God you worship. I know false prophets come here. Je ne sais pas quel Dieu vous adorez. Je sais que de faux prophètes sont venus là. And they entertain you, laugh with you, play with you, everything. Ils vous divertissent, rient avec vous, jouent avec vous. Toutes choses. Play with your flesh. Joue avec votre chair. And then they say, run with money at the foot of the apostles. Et ensuite ils disent, courez avec de l'argent aux pieds des apôtres. That sickness of run with the money at the foot of the apostles. Cette maladie de courir avec de l'argent aux pieds des apôtres. That devil's, let me use this finger, that devil's game. Ça c'est un jeu du diable. It must come to an end in the church. Ça doit finir dans l'église. Jesus must be worshipped. Jésus doit être adoré. Jesus will be worshipped, not money. Jésus veut être adoré, non pas l'argent. In the church. Dans l'église. But anyhow, mais qu'importe. The Lord is asking the church to return to the fear of the Lord. Le Seigneur demande à l'église de retourner à la crainte du Seigneur. And to evangelize holiness of Christ. Et d'évangéliser la sainteté de Christ. Time has come. Le temps est venu for the church to prepare for the coming of the Lord. Pour l'église de se préparer à la venue du Seigneur. But Isaiah 26, mais Ésaïe 26, Isaiah also saw the same dream the Lord gave me. Ésaïe a aussi vu le même rêve que le Seigneur m'a donné. Souvenez-vous, quand le Seigneur m'a montré, il m'a montré seulement la part de ceux qui sont ressuscités pour l'enlèvement. Daniel saw them. Let me share with you one thing. Daniel les a vus. Laissez-moi partager avec vous une chose. When the Lord speaks to you in visions, quand le Seigneur parle dans une vision, you have to be very careful though. Vous devez être très prudent. But of course he trains you. You can speak. Pour cause, il vous entraîne. Depending on the calling you have. Tout dépend de l'appel que vous avez. Depending on the calling, you can even write scripture on the wall for you in the visions. Tout dépend de l'appel. Il peut même écrire l'écriture sur le mur pour vous dans les visions. Alléluia. Alléluia. Just using my case as example. Juste utilisant mon cas comme un exemple. But listen to this. Alors écoutez ceci. Isaiah saw the same vision in Isaiah 26. Esaïe a vu la même vision dans Esaïe 26. Verses 19 to 21. Et versets 19 à 21. And there is something so critical Isaiah saw. Il y a quelque chose de très critique qu'Esaïe a vu. Again, Isaiah chapter 26, verses 19 to 21. Encore, Esaïe chapitre 26 et versets 19 à 21. Read it at home, I'm just summarizing. Lisez-le à la maison, je vais juste le résumer. Again, Isaiah 26, 19, 21. Encore, Esaïe 26, 19 à 21. Isaiah saw those who were actually being told to enter their rooms. Esaïe a vu ceux à qui il a été dit d'entrer dans leur chambre. They resurrected from the dead. Ceux qui sont ressuscités des morts. Then he said, you are dead will live. Et il dit, ceux qui vivront. And he saw them entering their rooms. And he said, enter your rooms. Et il les a vus entrer dans leur chambre. Et il dit, entrez dans vos chambres. And shut your doors for a little while. Et fermez vos portes pour un moment. For a little while. Pour un moment. And he said, because the Lord is coming from his dwelling. And he's coming to judge the earth for the sins of man. Et il est venu pour juger le monde pour les péchés des hommes. But he says something as they are being resurrected. Mais ils disent quelque chose alors qu'ils ont été ressuscités. He celebrates something. Ils célèbrent quelque chose. He says, shout for joy, you are dead to live. Crie de joie, que tes morts revivent. Those in the dust, shout for joy. Ceux de la poussière, criez de joie. You are dew is like the dew of the morning. Ta rosée est comme la rosée du matin. That's what I want to focus on. C'est là-dessus que je vais me concentrer. The dew. La rosée. What is the meaning of the dew? Quelle est la signification de la rosée? The latter revival was bigger than the church has ever known. Le dernier réveil était plus grand que ce que l'Église n'a jamais connu. No eyes have seen. Aucun œil n'a vu cela. No ears have heard. Aucune oreille n'a entendu cela. But Isaiah celebrates that visitation. Mais Esaïe célèbre cette visitation. He says, your dew is like the dew of the morning. Shout for joy. Il dit, ta rosée est comme la rosée du matin. Crie de joie. The dew of the morning is the last visitation. La rosée du matin, c'est la dernière visitation. The Messiah comes in the morning at the midnight hour. Le Messie vient le matin, à l'heure de minuit. The Messiah comes in the morning at the midnight hour. Le Messie vient le matin, à l'heure de minuit. The Messiah comes in the morning at the midnight hour. Le Messie vient le matin, à l'heure de minuit. And the dew of the morning. Et la rosée du matin. Is the latter anointing of the Holy Spirit in the church. C'est la dernière onction du Saint-Esprit pour l'Église. And there is something Isaiah says there. Il y a quelque chose que Esaïe dit ici. That the earth cannot conceal her slain any longer. Que la terre ne couvrira plus les meurtres. Neither can she hide any blood shed upon her. Et qu'elle mettra le sang à nu. Which means the latter anointing is not for showbiz. Ce qui signifie que la dernière onction n'est pas pour du théâtre. It's not for Hollywood shows. Ça n'est pas pour du cinéma. It is for the Messiah. C'est pour le Messie. It is for preparing the way for the coming of the Lord. C'est pour préparer le chemin de la venue du Seigneur. It is for preparing a glorious church. C'est pour préparer une église glorieuse. The latter anointing. La dernière onction. That's why he said, shout for joy, your dew is like the dew of the morning. C'est pourquoi il dit, crie de joie, ta rosée est comme la rosée du matin. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. On the 3rd of May, le 3 mai, the Lord spoke with me again, le Seigneur m'a encore parlé. But this time, he lowered the golden clock into the sky. En ce temps, il a montré la pendule d'or dans le ciel. And when I looked at that clock, it was 1 minute to midnight. Et quand je regardais à cette pendule, c'était une minute avant minuit. And the Bible in Matthew 25. Et la Bible, dans Matthieu 25, verses 1 to 13, les versets 1 à 13, Jesus himself talked about the midnight hour. Jésus lui-même parle à propos de l'heure de minuit. That's why I say only the Bible can help you. C'est pourquoi je dis seule la Bible peut vous aider. And he said when that hour will be near, there will be two types of churches. Et il dit quand cette heure s'approchera, il y aura deux types d'églises. One type will be like the foolish virgins. Un type sera comme les vierges folles. And the other type like the wise virgins, fear of God, wise wisdom. Et l'autre type comme les vierges sages, crainte du Seigneur, sage sagesse. The foolish virgins, he said, when they received the Lord, they failed to carry the jar of oil. Les vierges folles, il dit, quand elles ont reçu le Seigneur, elles n'ont pas pris des jarres d'huile. Refused to receive the Holy Spirit. Elles ont refusé de recevoir le Saint-Esprit. The wise church has the jar of oil. Receive the Holy Spirit. Les vierges sages, avec leur jarre d'huile, ont reçu le Saint-Esprit. The wise church received the Holy Spirit. Les vierges sages ont reçu le Saint-Esprit. Listen to me. Écoutez-moi. And listen to the secret. Et écoutez un secret. He says, il dit, when the angel shouted, quand l'ange a crié, here the bridegroom, prepare. Voilà l'époux, préparez-vous. They had all slumbered. Remember, all had slept. 10 virgins, 2 churches had slept. Elles étaient toutes en train de dormir. Souvenez-vous, les deux églises dormaient. But what matters is this? Mais qu'en est-il de ceci? That when they woke up, they trimmed their wicks. Alors, quand elles se sont réveillées, elles ont taillé la mèche de leur lampe. Some of us grew up in abject poverty. We use paraffin lamps. Il y a des gens qui utilisent des lampes à la paraffine. So we know that you have to trim the wick to get a stronger flame. Alors on sait qu'on doit tailler la mèche pour avoir une flamme plus grande. When they trimmed their wicks, quand elles ont taillé leur mèche, they found out that their lamps were burning out. Elles ont vu que leur lampe était en train de s'éteindre. So only those, alors, seules celles with oil added oil, qui avaient ajouté de l'huile. But when the foolish virgins came to ask, mais quand les vierges folles sont venues pour demander, please help us with some oil. S'il vous plaît, aidez-nous avec un peu d'huile. The wise said, we don't have enough for both us and you. Alors les sages ont dit, nous n'aurons pas assez pour vous et nous. You go to the shops. Allez dans les magasins. To the theaters. Dans les théâtres. Yes. Go there and buy some for yourself. It's amazing to me. Allez-y et achetez-en pour vous-même. Ça m'étonne. I have never believed until now. I am brought to my knees when I read the scripture. Je n'ai jamais cru. Jusqu'à maintenant, je vais sur mes genoux quand je lis ce texte. I cannot believe that they surely went. Je ne peux pas croire qu'elles sont allées. I cannot believe that they surely went to buy oil. Je ne peux pas croire qu'elles sont allées pour acheter de l'huile. How can you buy the anointing of the Holy Spirit? Comment pouvez-vous acheter l'onction du Saint-Esprit? That means we have been having two lamps burning in this church. Ça signifie qu'il y avait deux lampes qui brûlaient dans cette église. There have been two lamps burning in the church of Christ. Et il y avait deux lampes qui brûlaient dans l'église de Christ. One from the true lamp of God, the oil. The other one, they have been buying oil. Une avec la vraie huile de Dieu qui brûlait, et les autres, elles avaient acheté leur huile. But listen to the secret. Et laissez-moi vous dire un secret. When they went, quand elles sont allées, when the foolish virgins went to buy, quand les vierges folles sont allées acheter, then behold the Messiah. Alors, voilà le Messie. And right now, et juste maintenant, I see that the church has gone to buy. J'ai vu que l'église qui a été achetée, she's busy buying, she's putting envelopes, she's buying. Elle est occupée à acheter, elle met dans des enveloppes, elle achète. Give me more. Donne-moi plus. I want double portion. Give me triple. I want one for my family. Je désire double portion. Donne-moi le triple. J'en désire pour ma famille. How about my husband? How about my job? My green card also, my car. Qu'en est-il de mon mari? De mon travail, de ma carte verte, de ma voiture. She's buying. Elle achète. My ministry. Mon ministère. She is now busy buying. You go to Global Christian Television. Elle est maintenant occupée à acheter. Vous allez à la télévision mondiale. It's 50 bucks. If you want double portion, if you have 100 bob, you can get double anointing. Et si vous désirez double portion, et si vous avez 100 shinig, vous pouvez avoir le double de l'onction. If you have $100, si vous avez 100 dollars, you can get a double portion. And not only that, vous pouvez avoir double portion. Et pas seulement ceci. Commence à dire, si vous voulez le type d'onction que j'ai, you pay this amount. Vous payez ce montant. How can there be two types of the same anointing ever? Comment est-ce qu'il peut y avoir deux types d'onction? Jamais. She has gone to buy. Elle est allée acheter. That means the Messiah is coming. Ça signifie que le Messie vient. Be careful in Revelation chapter 16, verse 15. Attention, dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Revelation 16, 15. Apocalypse 16, 15. He says, il dit, behold, I come like a thief. Voici, je viens comme un voleur. I did my doctorate in Israel for 7 years. J'ai fait mon doctorat en Israël pendant 7 ans. I did not know. Je ne savais pas. He wanted to call me from there. Que il allait m'appeler depuis là. I thought it was mine. I'm going to study for me. For me, you know, the way we are selfish. Je croyais que c'était pour moi, que je voulais aller étudier pour moi. Vous savez, j'étais égoïste. But listen to this. Mais écoutez ceci. What I found out is that he took me there also to study some things. Ce que j'ai trouvé, c'est que il m'a amené là pour que j'étudie certaines choses. That he wanted me to teach you. Qui voulait que je vous enseigne. I found out that bitter myrrh. J'ai trouvé que la myrrhe amère. Actually, is a plant which has some pharmaceutical value, antibiotic activity. Actuellement, c'est une sève qui a quelques activités antibiotiques. So in the ancient Palestine, they used to use it for cleaning wounds. Alors les anciens Palestiniens avaient l'habitude de l'utiliser pour nettoyer les blessures. It killed bacteria. Ça tue les bactéries. And it's bitter when you touch it. Bitter amargura. Bitter amarga. Et c'est amer. Quand vous le touchez, c'est amer. C'est amer. Remember when Jesus was born. Souvenez-vous quand Jésus était né. The three wise men. Les trois mages. They brought gold and put before him. Ils ont amené de l'or pour le mettre devant lui. Frankincense. De l'encens. And myrrh. Et de la myrrhe. They put him before baby Jesus. Ils les ont mis devant le bébé Jésus. In other words, they say, your life on the earth is going to be as pure as this gold. En d'autres mots, ils ont dit, ta vie va être aussi pure que cet or. As purified as this gold, but that purified life. Aussi purifié que cet or, mais cette vie purifiée, will bring you bitterness on the earth. Va t'amener de l'amertume sur la terre. No man will love you. Personne ne va t'aimer. Because you testify on the sins of men. Parce qu'il a dénoncé les péchés des hommes. But then, in that bitterness, mais ensuite, dans cette amertume, you will emit a fragrance unto the throne of the Father. Tu vas donner du parfum dans la chambre de son Père. And the Father will atone for the sins of all men. Et le Père va expier pour les péchés de tous les hommes. That's why you see Nicodemus appears in John 19 again. Et c'est pourquoi vous voyez que Nicodème apparaît dans Jean 19 encore. To finish John chapter 3 verse 3, the first conversation Nicodemus had with Jesus. Pour finir la conversation de Jean 3, 3, la première conversation qu'il a eue avec Jésus. John, chapter 19, verse 38, Nicodemus appears. Jean, chapitre 19, verset 38, Nicodème apparaît with bitter myrrh, avec de la myrrhe amère and sweet-smelling alloy, remove the destroyed body of Christ and pour. Et le doux parfum de l'OS. Il a enlevé le corps détruit de Christ et l'a versé sur lui. That you are bitter life, you are bitter life here, your persecution here has brought fragrance unto the Father. Que votre vie amère ici, la persécution, a amené un parfum devant le Père. Now listen, precious people. Maintenant, écoutez, précieux peuple. It's very important you understand this. C'est très important de comprendre ceci. God is asking for purity in the church. Dieu demande de la pureté dans l'église. Listen, my daughters and my sons. Écoutez, mes fils et mes filles. It is beautiful to live for Christ. C'est beau de vivre pour Christ. Listen, pastors. Écoutez, pasteurs. It is beautiful to preach the gospel of holiness. C'est beau de prêcher l'évangile de la sainteté. When I started in Kenya, nobody believed. Quand j'ai commencé au Kenya, personne ne croyait. But now it is such a mighty thing. Mais maintenant, c'est une telle grande chose. And I told them, I said, God will not humiliate you. Et je leur ai dit, Dieu ne désire pas vous humilier. I told them, je leur ai dit, he will still help you. Il va toujours vous aider. He is not after humiliating you. Il n'a pas l'intention de vous humilier. All he wants is that you seek first the kingdom of God. Tout ce qu'il désire, c'est que vous cherchiez d'abord le royaume de Dieu. And preach the blood of Jesus, period. Et que vous prêchiez le sang de Jésus. Everything else, leave it to him. Toute autre chose, laissez-les lui. Stop the prosperity nonsense that you see coming from the West. Arrêtez la prosperité qui vient de l'Ouest. We now know the best revival. Maintenant, nous connaissons le meilleur réveil. It's the holiness revival. Qui est un réveil de sainteté. Because it brings to the kingdom of God. Parce qu'il amène au royaume de Dieu. But you see, John chapter 14, verse 1 to 3. Mais vous voyez, Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jesus said, Jésus a dit, I go to the Father to prepare a room for you. Je vais au Père pour préparer une place pour vous. Those are the rooms Isaiah saw people entering and shutting. Ces chambres que Isaïe a vues quand il dit entre dans ta chambre et ferme. For a little while, 7 years, and then he comes back with the rapture church. Pour un peu de temps, 7 ans, et il vient avec l'église enlevée. If you don't read Revelation 19. Si vous n'arrivez pas à Apocalypse 19. The white horse. Le cheval blanc. Begins from verse 11. The white horse is showing me above. Commence du verset 11. Le cheval blanc qu'il m'a montré là-haut. Read these things, Revelation 19 at home. Lisez ces choses, Apocalypse 19, à la maison. But precious people, mes précieux peuples, when God sent Moses to Goshen, quand Dieu a envoyé Moïse à Goshen to speak to the house of Jacob, pour parler à la maison de Jacob about the midnight hour, à propos de l'heure de minuit, he told Moses, il a dit à Moïse, tell the house of Jacob, dis à la maison de Jacob, when the midnight hour is about, quand l'heure de minuit arrive, 1 minute midnight, une minute avant minuit, nothing else will matter to Jehovah. Rien d'autre ne va compter que Jéhovah. Nothing else will matter to the Lord. Rien d'autre ne va compter que le Seigneur. When the midnight hour is near. Quand l'heure de minuit est proche. Except that they find a lamb. Sauf qu'ils trouvent un agneau. Without defective way, you read Exodus 12. That's Exodus 12. Sans défaut. Alors lisez Exode 12. Read it at home. If I were you and I meet without defect, I underline it. Si j'étais vous, le sans défaut, je le soulignerais. But if you find a lamb without defect, mais si vous trouvez un agneau sans défaut, and sacrifice, et vous le sacrifiez, and nothing else matters, et maintenant, ça commence la question. At the midnight hour, except that you take the blood of the lamb without defect, and sprinkle on the doors. Et si vous avez pris le sang de l'agneau et vous l'avez aspergé sur les portes, that when the midnight hour comes, que lorsque l'heure de minuit arrive, and the Messiah sees, et que le Messie voit, and Jehovah sees, et Jéhovah voit, the blood of the lamb, le sang de l'agneau, the lamb of God, l'agneau de Dieu, he will start you. Il va vous épargner. Which means the Lord has sent me to ask this church. Ce qui signifie que le Seigneur m'a envoyé pour demander à cette église, are you really covered by the blood? Êtes-vous vraiment couvert par le sang? The way I look at you, la manière dont je vous regarde, I see that you are not covered by the blood. Je vois que vous n'êtes pas couvert par le sang. La manière dont je vous regarde, je vois que vous n'êtes pas couvert par le sang. Because if you're covered by the blood, parce que si vous étiez couvert par le sang, the blood has power to transform a sinner into a child of God. Le sang a le pouvoir de transformer un pécheur en un enfant de Dieu. Someone in the world, quelqu'un dans le monde, to be the child of light, pour être l'enfant de lumière, the blood, le sang. Pastors, pasteurs, don't cover the church with prosperity. Ne couvrez pas l'église avec la prospérité. Please cover them with the blood of Jesus. S'il vous plaît, couvrez-les avec le sang de Jésus. John chapter 1 verse 29. Jean chapitre 1 verset 29. John saw him coming. Jean l'a vu venir. And he said, "Behold the Lamb of God." Et il a dit, voici l'agneau de Dieu. That takes away the sins of the world. Celui qui enlève le péché du monde. Jesus is the perfect Passover lamb. Jésus, le parfait agneau de Pâques. That Jehovah gave to the church. Que Jéhovah a donné à l'église. So please make sure that now it is time to preach the blood. Alors, soyez sûr que maintenant, c'est le moment de prêcher le sang. Only the blood has power. Seul le sang a du pouvoir. Prosperity, those things God knows you need them. La prospérité, ces choses, Dieu sait que vous en avez besoin. But if they are going to deflect you, waft you, to drift you away. Mais si ils vous éloignent, then they are not from the Lord. Alors ils ne sont pas du Seigneur. Pasteur, s'il y a quelque prospérité que vous allez prêcher, ça c'est dévier l'Église de l'amour de Christ. From holiness, that is not from God. De la sainteté, ça, ça n'est pas de Dieu. It's obvious today, you know that right now. C'est évident aujourd'hui, vous le savez. The truth has been revealed. La vérité a été révélée. Well, I want to finish with these two. Que bien, je vais finir avec ceci aussi. When we were in France, in Paris, after a big meeting, quand nous étions en France, à Paris, après un grand rassemblement, to bring this message there, the pastor there asked, pour amener ce message là-bas, les pasteurs là-bas, ils ont dit, nous avons entendu que le Seigneur a parlé avec vous à propos de la venue du Messie. Please come and tell us also. We need to prepare. S'il vous plaît, venez et dites-le nous aussi. Nous avons besoin de nous préparer. So, faithfully I went. Alors, fidèlement, je suis allé. But on the 11th of May, mais le 11 mai, after we had finished, I was leaving the country. Alors que nous avions fini, je quittais la contrée. That night the Lord spoke with me again about the coming of the Messiah. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé encore à propos de la venue du Messie. Let me quickly say this. I was walking in a vision. Laissez-moi raccourcir le service. Je marchais dans une vision. And there was a lot of light from above. Et il y avait beaucoup de lumière d'en haut. I could see the rocks and everything, so I was walking there. Je pouvais voir les cailloux, toutes choses, quand je marchais là. And avoiding them. Et je les évitais. And then, et ensuite, a voice spoke from above and said, une voix a parlé d'en haut, disant, look and see what has fallen at your feet. Regarde et vois ce qui est tombé à tes pieds. But instead of looking at what had fallen at my feet, mais au lieu de regarder à ce qui était tombé à mes pieds, because of the tremendous shock from the voice in that vision, à cause du très grand choc de la voix dans cette vision, I instead looked up. Au lieu de regarder en haut, and when I attempted to look up, there was so much light. Et quand j'ai regardé en haut, j'ai vu tellement de lumière from heaven. Du ciel. But, mais I also saw something. J'ai aussi vu quelque chose like a piece of paper, comme une pièce de papier small like this. Petite comme ceci. And it was coming like a kite on the air like that. Et c'était venu, ça descendait comme un cerf-volant, là, en bas. On the air. Dans les airs. It was flying. Ça volait. And it came and fell on my right foot. Et c'est venu sur mon pied droit. And when I picked it in that vision, et quand je l'ai pris dans cette vision, I realized for the hand written note. J'ai réalisé que c'était une note écrite à la main. A note written by hand. Une note écrite à la main. By blue pen ink. Avec de l'encre bleue. Three times. Trois fois. And the first time say, et la première fois, ça disait, in that vision I'm reading. Dans cette vision, je l'ai lu. It said, I am coming. Il dit, je viens. The second say, I am coming. Le deuxième disait, je viens. The third say, I am coming, says the Lord. Et le troisième disait, je viens, dit le Seigneur. Now, when I woke up, looked at my clock, it was 2:50 in the morning. Maintenant que je me suis réveillé, c'était 2:50 du matin. So I went straight, of course the message is clear. Alors je suis allé tout droit, pour cause, le message est clair. But I went to the Bible still. Mais quand je suis allé à la Bible, and every time, et chaque fois, the Lord said, I am coming, que le Seigneur dit, je viens, he left a message. Il laisse un message. Let me begin with Revelation 22, the last book. Laissez-moi commencer avec l'Apocalypse chapitre 22, le dernier livre. The last chapter of the last book in the Bible. Le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Revelation 22, verse 7. Apocalypse 22, verset 7. He says, "Behold, I am coming." Il dit, voici, je viens. And blessed is he who keeps the words of prophecy of this book. Et béni soit celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Have you really kept the words of prophecy of this book? Avez-vous vraiment pris les paroles de la prophétie de ce livre? Have you really kept the words of prophecy of this book? Avez-vous vraiment pris les mots de la prophétie de ce livre? Because the words of prophecy of this book reveal a holy God. Parce que les paroles de la prophétie de ce livre révèlent le Dieu saint. And they say, you are the children of God. Et ils disent, vous êtes les enfants de Dieu. That means you too need to be holy. Ça signifie, vous aussi, vous avez besoin d'être saints. You are the children of light. Vous êtes des enfants de lumière. That means you too need to walk in light. Ça signifie que vous avez besoin de marcher dans la lumière. If you look at Romans chapter 13, verse 11, it says, si vous regardez dans Romains chapitre 13, verset 11, il dit, behold, your salvation has drawn nearer. Voici, votre salut est maintenant plus près. That when you first believe, que lorsque vous avez commencé à croire, and the night is nearly over. Et la nuit est presque passée. Alléluia. Alléluia. The night is nearly over. And you should dress in the deeds of light. Et il doit se vêtir des œuvres de lumière. Because you are the children of light. Parce que vous êtes les enfants de lumière. He says, chapter 13, verse 11. Il dit, chapitre 13, verset 11. He says, and do this understanding the present time. Faites ceci, vous savez en quel temps nous sommes. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation has drawn nearer than when we first believed. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. The night is nearly over and the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies, drunkenness, not in sexual immorality, in debauchery, not in dissension, in jealousy, rather clothe yourselves with Christ Jesus. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. What is Christ Jesus? Qu'est-ce que Jésus-Christ? What does it mean to clothe yourself with Christ Jesus? Qu'est-ce que ça signifie, se vêtir de Jésus-Christ? That means to cover yourself with the blood. Ça signifie de vous couvrir du sang. The blood is the only thing he left us with. Le sang est la seule chose avec laquelle il nous a laissé. Through the blood, you have the anointing of the Holy Spirit. À travers le sang, vous avez l'onction du Saint-Esprit. Only through the cross did the Father release the Holy Spirit. Seulement à travers la croix, le Père a relâché le Saint-Esprit. Precious people. Précieux peuple. And then also Revelation 22. Et aussi dans Apocalypse 22. Verse 12, it says, "Behold, I'm coming. My reward is my hand." Le verset 12, il dit, voici, je viens avec ma récompense dans mes mains. I give each one according to what they have done. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Which means he's talking about the white throne judgment. Ce qui signifie qu'il a parlé à propos du trône blanc du jugement. The judgment seat of Christ. Le siège de jugement du Christ. That means even the raptured church. Ça signifie que même l'Église enlevée must present herself before the white throne of judgment. Doit se présenter elle-même devant le trône blanc du jugement. To account for everything she ever did. Pour rendre compte de toute chose qu'elle a jamais fait. Everything she ever said. Pour toute chose qu'elle a jamais dit. Everything she ever contemplated, schemed in the heart. Toute chose qu'elle a jamais contemplée, qu'elle n'a jamais manigancée dans son cœur. That's why Paul says, let us run like a race. C'est pourquoi Paul dit, courons. And achieve the first prize. Et remportons le prix. Please, don't take your salvation for granted. Ne prenez pas votre salut à la légère. If you don't enter the kingdom of God, si vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, Jesus will be laughed at. On va rire de Jésus. En espagnol, ils disent vergüenza. Vergüenza, vergüenza. He will be ashamed. Il va avoir honte. The enemy laughed when he was on the cross. L'ennemi a ri quand il était sur la croix. To purchase you. Pour vous racheter. But when you fail to enter, the enemy will laugh again. Mais si vous manquez d'entrer, l'ennemi va encore rire. Read in the Bible. Lisez dans la Bible. The Lord says he is coming. Le Seigneur a dit, il vient. And the message he has been sending me with is very consistent to this church. Et le message avec lequel il m'a envoyé est très consistant pour cette église. That the Lord is coming and soon. Que le Seigneur vient bientôt. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. I am coming. Je viens. Says the Lord. Dit le Seigneur. The Bible says. La Bible dit. That when the foolish virgins returned, que quand les vierges folles sont revenues, when the foolish virgins returned, quand les vierges folles sont revenues, they knocked, elles ont heurté. And they said, ça, ça. Elles ont dit, Seigneur, Seigneur, open for us. Ouvre-nous. And what did the Lord say? Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? To tell you the truth, je vous dis la vérité, I don't know you. Je ne vous connais pas. But listen to this. Mais écoutez ceci. He said, il a dit, in Matthew 24, verse 36, dans Matthieu 24, verset 36, like it was during the time of Noah, comme il en était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Messiah. Ainsi il en sera à la venue du Messie. The time of Noah, au temps de Noé, there was wickedness. Il y avait de la méchanceté. The time of Noah, au temps de Noé, nobody liked holiness. Personne n'aimait la sainteté. The time of Noah, au temps de Noé, nobody feared God. Personne ne craignait Dieu. The time of Noah, au temps de Noé, they were preaching about their wives and husbands. Ils prêchaient à propos des épouses et des maris. Time of Noah, au temps de Noé, they were preaching about their cars and homes. Ils prêchaient à propos de leurs voitures et leurs foyers. The time of Noah, du temps de Noé, only a few, seulement un peu, entered, sont entrés. And Genesis chapter 7, verse 16 says, et Genèse chapitre 7 verset 16 dit, and the animals going in were male and female, et les animaux qui allaient étaient mâles et femelles, as the Lord had commanded Noah, comme le Seigneur l'a commandé à Noé. After that, après cela, and the Lord shut the door, le Seigneur a fermé la porte. En espagnol, ils disent, el Señor cerró la puerta. En espagnol, ils disent, El Señor cerró la puerta. And the Lord shut the door, not Noah, the Lord. Et le Seigneur ferma la porte. Ça n'est pas Noé, c'est le Seigneur. But we know that when Jesus comes to the rapture, et nous savons que quand Jésus vient pour l'enlèvement, in Matthew 25, dans Matthieu 25, verse 10 and 11, les versets 10 et 11, after the wise virgins entered, après que les vierges sages soient entrées, and the Lord, et le Seigneur, shut the door, a fermé la porte, and the Lord, shut the door, et le Seigneur a fermé la porte.